concernant consternation dans le grand livre des nations. La graine des dictateurs germe avant celle des fleurs. Le monde se meurt avant l'heure, avant l'heure. Le monde se meurt avant l'heure, avant l'heure. Une seule curie, pasteur, où sont nos bienfaiteurs? Humanité dans la folie de ta peur, tu n'engendres que le malheur. Oiseau de terreur, tu tiens le détonateur, source de nos frayeurs.